Chapitre 9e, la filière. Paulin Broquet se leva assez tard ce matin-là. Il fit une toilette sommaire, passa sur sa figure une éponge d'eau fraîche, endossa sa longue robe de chambre, sonna pour demander son petit déjeuner et entra dans son cabinet de travail. Depuis longtemps déjà, ses deux lieutenants, Gabriel et Lamorce, l'y attendaient. Il leur serra cordialement les mains. « Voulez-vous déjeuner avec moi? Une tasse de chocolat, du café au lait? Non? Vous ne voulez rien? Bon, alors un verre de Porto, car il est à peu près l'heure. » Le fidèle Jules fit le service. Paulin Broquet, tout en trempant des toasts de pain beurré dans sa tasse de chocolat, dit à Lamorce, « Prends donc cette cassette qui est sur la cheminée. Ouvre-la et montre à Gabriel ce qu'elle contient. » Lamorce alla prendre la cassette. Il la posa sur la table, devant Gabriel, et l'ouvrit. Aussitôt Gabriel et Lamorce poussèrent un cri d'admiration, de surprise, de stupéfaction. « Le colis de la baronne !»« Oh !» fit Paulin Broquet, prenant un nouveau toast. « Oui, vous l'avez deviné. C'est le colis de la baronne Vancambre. Comment l'avez-vous ? Je l'ai enlevé hier soir à cette excellente baronne, sous le nez de Zigomar. » Gabriel et Lamorce étaient, on le conçoit, curieux de connaître les détails de cette aventure. Paulin Broquet, ayant fini sa tasse de chocolat, but un verre d'eau puis alluma un cigare. Il s'étendit sur sa chaise longue en bambou, et tout en souriant, il fit à ses lieutenants le récit de la scène qui avait eu pour théâtre la garçonnière du comte de Marnay. Ses lieutenants éclatèrent de rire et longuement félicitèrent leur chef. « Vous comprenez, mes amis, » dit Paulin Broquet, que nous avons pas mal de revanches à prendre sur Zigomar, jusqu'au moment où nous aurons définitivement percé le mystère qui l'enveloppe et où nous lui mettrons la main au collet. Nous avons à nous venger du bain qu'il m'a fait prendre dans l'égout, où il croit que je flotte encore, et de l'écrabouillement de notre brave Clafou et du commissaire qui venait si courageusement à mon secours. Dès maintenant, la partie est liée entre Zigomar et nous. « Nous aimons mieux, chef, dirent les détectives, être avec Paulin Broquet que du côté de Zigomar. Faut voir. Dans tous les cas, je puis vous donner l'assurance que nous aurons du mal. Ce sont de rudes gaillards que nous avons à combattre. » Paulin Broquet se tut un court moment, puis il reprit. « Vous vous souvenez de la découverte des papiers que nous fîmes à l'aigle dans les poches du rat d'hôtel ? Oui, chef. Nous avons trouvé, entre autres, un document qui nous intrigua fort. Le document chiffré de l'homme à la valise. C'est cela. Tenir Laurent, dirent les lieutenants. Dimanche, Claf. Parfaitement. Maine, baronne, collier soir, Balmahon. Oui, mes amis. Nous avons immédiatement compris ce que signifiait la première partie du document, quant à monsieur Laurent. Et nous sommes allés chez Clafou, et même à la Barbotière. Oui, fit Paulin Broquet, cette seconde partie du document nous intriguait. Elle vient de recevoir sa solution. Et ce n'est pas un des plus minces exploits de Paulin Broquet. Mes amis, la plus grande part dans la réussite de cette affaire vous revient de droit. Vous voulez prétendre, chef, que vous n'avez rien fait? Pouh, moi, j'ai seulement accompli un simple cambriolage à la portée de tout amateur. Mais vous, mes bons amis, vous avez montré une ingéniosité admirable à percer le sens des mots mystérieux du document. C'est ce qui m'a permis de faire le coup. J'ai eu l'idée que je crois amusante, puisque Zigomar avait essayé de me faire tomber dans le piège de Thorntwig, de lui répondre à l'américaine avec James Twill. Paulin Broquet, malgré toute son énergie et son endurcissement, se ressentait fortement de sa chute dans le puits de la Barbotière et de son séjour dans l'égout où il devait fatalement trouver la mort. Il s'était fait conduire, au sortir de ce qui devait être son immense tombeau, nous le savons, à la maison qu'il possédait dans le fond de Neuilly, et que personne ne connaissait. Là, pendant plusieurs jours, il se reposa, se rétablit. Mais se reposer, pour Paulin Broquet, ne voulait pas dire ne rien faire. Il ne partit pas en expédition, mais il en prépara de nouvelles. « C'est le moment, dit-il à ses lieutenants, de chercher à savoir ce que signifie la seconde partie du document chiffré. » Gabriel, Lamorce et Simon s'étaient aussitôt mis en campagne. Adroitement, ils s'inquiétèrent des balles qui devaient se donner dans l'avenue MacMahon. Cela était peut-être un peu long, mais assez facile à apprendre. Les lieutenants de Paulin Broquet s'adressèrent au fleuriste, aux fournisseurs, aux pâtissiers, aux électriciens, à ceux à qui, généralement, on a recours quand a lieu une fête mondaine de l'importance d'un bal comme ceux qui se donnent avenue MacMahon. L'amorce même était parvenue à avoir les listes à peu près complètes des invités qui y assisteraient. Au demeurant, les bals qui devaient avoir lieu dans la saison, dans l'avenue MacMahon, n'étaient pas nombreux et ils se reportaient à des dates assez éloignées. « Ce ne doit pas être cela, » dit Paulin Broquet. « Je crois que nous faisons fausse route. » « Nous le croyons aussi, chef. Mais nous ne voyons pas un autre sens au document. Nous ne savons sur quelle autre piste nous diriger, vers quel autre but nous orienter. » À mon avis, il ne s'agit pas d'un bal qui sera donné avenue MacMahon, mais de mener avenue MacMahon un soir de bal qui aura lieu ailleurs, cette baronne au collier. « Chef, vous devez approcher de la vérité. » « Peut-être. Reste à savoir qui est cette femme qu'on appelle la baronne. » Si nous avons affaire à une baronne authentique ou à une femme désignée par un sobriquet, en somme assez appliquée. Un certain après-midi donc, Paulin Broquet se trouvait avec ses lieutenants dans la véranda, sous d'énormes paliers dont il se montrait fier. C'était dans les deux ou trois premiers jours qui suivirent l'expédition de la Barbotière. Il était étendu sur une sorte de chaise longue en bambou, comme on en a dans les Indes, flexible et douce, qui formait un lit de repos idéal. Ses lieutenants se prélassaient dans de larges et profonds fauteuils en rotin. Ils se tenaient en face de leur chef qui n'était séparé d'eux que par une table sur laquelle se trouvait une théière fumante, des rôtis, du chocolat bouillant, du rhum, du porto, des gâteaux secs, pour le goût de chacun, et des boîtes de cigares. Paulin Broquet reposa sa tasse à thé, silencieusement. Il choisit dans une de ses boîtes un cigare. Il en coupa soigneusement le bout, et ensuite l'alluma avec une allumette en bois, car incendier un bon cigare avec une allumette en cire est considéré comme un sacrilège par un véritable fumeur. La cire des allumettes de la régie française était tout bonnement de la stéarine. Cette stéarine communique au cigare un goût affreux de côtelette brûlée. Ayant donc minutieusement allumé son cigare, Paulin Broquet s'étendit à nouveau sur la chaise longue, s'allongea. Il posa ses bras sur les appuis, laissa tomber mollement ses mains longues, un peu maigres, mais nerveuses, la tête penchée en arrière, tenant droit dans ses dents le cigare. Il le dégustait en connaisseur, tout en regardant s'envoler lentement et jouer parmi les hautes feuilles des palmiers les volutes bleues de la fumée. Ses lieutenants, ayant eux aussi allumé chacun un cigare, suivaient maintenant des yeux leur chef. Ils attendaient. Connaissant Paulin Broquet, il savait que quand il se taisait et demeurait immobile en regardant la fumée, cela annonçait quelque chose de sérieux. Quand Paulin Broquet se tenait ainsi, ses lieutenants disaient « Le chef est le chat ». En effet, le chat, cet animal mystérieux qui se souvient d'avoir été Dieu autrefois, regarde, de ses yeux verts pailletés d'or et profonds, avec une attention extrême à la fumée des cigares. Le chat pense, réfléchit, étudie. Peut-être, se souvenant d'avoir été adoré autrefois, et étant, pourquoi pas, encore un dieu méconnu aujourd'hui, comme tant d'autres, songe-t-il tristement, en voyant cette fumée monter, à celle de l'encens qu'on brûlait jadis devant lui. Paulin Broquet, donc, faisait le chat. Tout en regardant monter la fumée, il réfléchissait. Au bout d'un moment, lentement, il leva la main droite, ôta de ses lèvres doucement son cigare, pour n'en pas briser et faire tomber la cendre, et dit, continuant tout haut sa pensée, « Qui est Zigomard ? Qui est Zigomard ?» Il se tut encore et reprit peu après, « Qui est Zigomard ? Qui ?» Nous l'établirons, nous le saurons. Cela viendra à son heure. Ses lieutenants l'écoutaient religieusement. Paulin Broquet, après avoir tiré quelques bouffées de son cigare, ajouta, la bande des aides a fait le coup de la banque Montreuil, de l'étude Béjanet, de la maison du maire d'Itonville. À chaque coup, nous trouvons le fameux comte de la Guérinière. Donc, le comte de la Guérinière est un des principaux aides. Est-ce lui le chef invisible, le maître des maîtres, celui qui joue le rôle du grand Zigomard, celui qui m'a condamné à mort, fait exécuter, est-ce lui ? Ou Thumbtwig ? Problème. Mais en tout cas, je gage qu'il fait partie aussi du complot contre cette baronne et ce collier, qu'il est dans l'affaire de l'avenue MacMahon. » Les lieutenants de la tête silencieusement approuvèrent. Donc, c'est dans l'entourage du comte de la Guérinière que nous devons chercher cette baronne. Ce doit être une personne de connaissance pour qu'on puisse la mener ainsi, et sans doute facilement, avenue MacMahon. Qui est cette baronne? Est-ce la femme du superbe baron Dupont? Le baron Dupont officiellement est célibataire, en tant que baron Dupont. Il n'est père de famille que chez Clafou, et là sa femme n'est pas baronne. Elle est la bonne main marsenne, et sans doute n'a jamais eu de collier tentateur. D'ailleurs, étant main marsenne, son époux, en d'autres temps le fastueux baron, n'aurait pas à la jeter avenue MacMahon dans les mains de la bande des aides, ou alors c'est à n'y rien comprendre. Tout ce qu'en monologuant ainsi il disait à mi-voix, mais cependant de façon très intelligible pour ses lieutenants, était de la plus claire logique. « Non, » reprit Paulin Broquet, « c'est ailleurs qu'il faut chercher, c'est-à-dire dans les relations mondaines du comte de la Guérinière et du décoratif baron Dupont. Ici, nous trouvons parmi les amis intimes le baron Dujard, mais celui-là n'est pas marié, et comme il n'a plus de parents, paraît-il, il n'a donc pas une baronne-mère. Il y a le financier Gutelard, très riche, mais Gutelard, malgré ses millions, ne croit pas encore devoir être baron. Toutefois, ça ne tardera pas. Ah ! Il reste maintenant le baron Vancambre, plus riche encore et baron, lui, d'une baronnie bonne, solide, de tout repos, qui n'a pas bronché depuis 15 ans qu'il s'est offert le tortil. Et le baron Vancambre a une femme, la baronne, solide aussi, volumineuse, bien assise comme la baronnie. La baronne Vancambre, qui croit donner le ton à l'élégance mondaine, qui se fait habiller chez Perkins, pour qui rire la jolie à travailler. La baronne a des goûts artistiques connus. Elle compose de la musique, et ses diamants sont célèbres. Paulin Broquet tourna alors la tête vers ses lieutenants. « C'est la baronne Vancambre que désigne le document, » dit-il. « Nous y sommes. » Les lieutenants s'écrièrent, enthousiasmés. « Oui, chef, nous y sommes. »« Bien. » »« Maintenant, mes enfants, comme moi je ne peux sortir et que je dois passer pour défunt, c'est vous qui allez chercher la fin de la solution de cette énigme. » Gabriel, Lamorce et Simon se mirent aussitôt en campagne. Ils ne furent pas longs à apprendre que la femme du financier Gutelard préparait une soirée qui serait suivie d'un bal. On jouerait la comédie, on applaudirait la musique de la baronne Vancambre et on danserait. « Mais, » demanda Paulin Broquet à Gabriel, qui lui donnait ces détails, « où se donnera cette soirée ?»« Chez le financier Gutelard. » « Vous ne savez donc pas que l'hôtel du financier Gutelard est un des plus somptueux de l'avenue du Bois de Boulogne ? C'est juste. » « Donc nous avons à connaître encore le mystère de l'avenue MacMahon. » Gabriel répondit. « Bien, chef, on va encore chercher. » Ce fut Lamorce qui découvrit la clé de ce mystère. Lamorce, qui à son habitude avait fait parler très adroitement des gens de service de la baronne, apprit que la volumineuse baronne avait un cœur de proportion égale à ses charmes et qu'elle était aussi sentimentale que pesante. On lui raconta même quelques anecdotes égrillardes et croustilleuses sur elle. Et on lui nomma le poète Antime Souffret comme étant l'heureux mortel à qui elle prodiguait la magnificence de ses faveurs. La mort se demanda où se trouvait le pigeonnier dans lequel la baronne et son famélique poète précurseur roucoulaient leur romance. Pour le savoir, la mort s'attacha au pas d'Antime Souffret. Il se donna lui aussi comme un poète, mais poète timide, inférieur, professait une admiration sans bornes pour ce génie qu'était Antime Souffret. Il prétendait seulement goûter les reflets de ce soleil éblouissant qui allait éclairer le monde. Le poète précurseur l'écouta avec complaisance. Il aspira voluptueusement cet encens grossier et daigna assurer son disciple de sa bienveillance, lui promettre ses encouragements. La mort s'aperçut du premier moment, quand il souffrait, était un parfait imbécile, un pauvre d'esprit ridicule, que gonflait une vanité sans bornes. La mort eut quelques entretiens avec ce précurseur dans un petit café de la rue Lepic, où le poète permettait qu'on lui offrît des bocs qu'il buvait d'ailleurs très prosaïquement, tout en parlant de lui ou en écoutant chanter ses louanges. Dans ce café, la mort s'apprit de la bouche même du précurseur que prochainement on aurait audition de ses derniers poèmes et que la baronne Vancambre mettrait en musique quelques-uns de ses vers. La mort se redoubla de louanges. Il apprit en même temps que cette nouvelle, qui devait causer grande impression dans le monde artistique, que déjà le poète précurseur avait reçu des compliments d'un de ses plus chauds admirateurs. Un homme qui me comprend, qui m'admire, cet homme, c'est le comte de Marnay. Le nom du comte de Marnay éveilla, comme l'on s'en doute, l'attention du second de Paulin Broquet. De nombreux bocs aidant, la mort finit par se faire dire par le poète précurseur que le comte de Marnay était charmant pour lui et qu'il poussait la complaisance jusqu'à le seconder dans ses travaux, c'est-à-dire à lui faciliter la collaboration de la baronne Vancambre en lui prêtant sa garçonnière, où la baronne pouvait plus commodément que dans son hôtel lui soumettre la musique qu'elle avait composée sur ses vers. Cette garçonnière, d'ailleurs très élégante, permettait au poète et à la musicienne de collaborer tout à leur aise. Or, précisément, cette garçonnière se trouvait avenue MacMahon. Dès lors, Paulin Broquet avait toute la clé du mystère. Il savait où l'on devait conduire la baronne le soir du bal. Il se mit à son tour en campagne. Pour approcher de la baronne sans éveiller les soupçons des plus avertis des ennemis, il joua avec son admirable talent de comédien le personnage de James Twill, l'inventeur d'aéroplanes, qui devait en outre lui permettre de se retrouver en face du fameux détective américain Tom Twig. Il se fit mettre en rapport avec le financier Guttlar, qui naturellement le présenta à Vancambre, à ses autres amis, le baron Dupont, le comte de la Guérinière. James Twill fut invité, on le pense, comme curiosité, comme clou américain à la soirée de Madame Guttlar, depuis quelque temps annoncée, qui devait être un des événements mondains de la saison, et probablement aussi la soirée sur laquelle la bande des aides comptait pour accomplir le vol du collier. Paulin Broquet ne se trompa point. Nous l'avons vu au cours de la soirée félicitant le poète précurseur. Nous l'avons vu également opérer à sa façon dans la galante garçonnière du comte de Marnay. « J'espérais, dit-il à ses lieutenants, en leur faisant le récit de l'aventure de James Twill, j'espérais arriver à subtiliser pendant le bal le collier de la baronne. À cet effet, j'avais pris une rivière en brillant de théâtre qui momentanément devait remplacer la vraie rivière que je comptais enlever. Grâce à ma fausse rivière, le vol n'aurait pas été remarqué tout de suite, car si on regarde, si on admire les bijoux, on ne s'avise pas dans le monde de les expertiser de près. » Si la substitution était bien faite, et de cela j'étais sûr, la baronne ne devait s'apercevoir du changement que beaucoup plus tard. Paulin Broquet raconta à ses lieutenants la scène qui se déroula dans la garçonnière, et il ajouta « Maintenant, ce compagnon de Zigomar s'est donné bien du mal pour une rivière en faux. Mais il est certain que les aides ne vont pas encaisser cette défaite d'un cœur joyeux. Ils vont vouloir avoir leur revanche. » Montrer que malgré tout, Zigomar est tout-puissant. Et j'ai dans l'idée que le gentleman roulé par moi va chercher à se réhabiliter. Je présume que la baronne n'en a pas fini avec les aides et que ce malheureux précurseur va leur servir à préparer un nouveau coup retentissant. Vous verrez, vous verrez. » Gabriel prit la parole. « Chef, dans cette amusante aventure, une chose me surprend. Pourquoi ? Tenant ce compagnon de Zigomar, ne lui avez-vous pas passé les menottes? Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Je ne le pouvais pas, je ne devais pas le faire. D'abord, je me serais démasqué. Ensuite, arrêter un homme en cet endroit, dans ces conditions, c'était compromettre cette brave baronne et provoquer un gros scandale bien inutile. Vous avez raison, chef. D'ailleurs, j'avais atteint mon but. Je voulais sauver la rivière de diamants, lutter avec Zigomar, protéger une de ses victimes. J'avais réussi. À quoi bon aller plus loin? Très juste. Ne dépassons jamais le but, chef. C'est une de vos maximes de prudence. D'autant plus, mes bons amis, que tout en remplissant exactement le programme que je m'étais tracé, je venais de constater un fait des plus importants pour nous. Lequel, chef? Dans les salons de Madame Guttlar, je venais de rencontrer le comte de la Guérinière. Ah? C'est un ami du financier Guttler, comme vous le savez. De plus, Lucette Minois figurait au programme. Or, le comte de la Guérinière se retira en même temps que Lucette Minois. Quelques instants après, la baronne Vancambre et le précurseur chevelu quittaient également le bal, en sourdine. Je les suivis, et j'ai troublé leur poétique tête-à-tête. Oui, chef. Or, Simon nous a confirmé la présence du comte de la Guérinière au théâtre Lutetia. Simon a affirmé qu'à son habitude, le comte avait été souper avec Lucette Minois et l'avait reconduite chez elle. Parfaitement. Bien. Mais moi, je suis certain que ce gentleman cambrioleur, qui en voulait à la rivière de la Baronne, est le comte de la Guérinière. Les lieutenants de Paulin Broquet sursautèrent. Ah, il était admirablement maquillé, arrangé, et difficile à reconnaître. Mais il a été trahi par ses yeux, par certains de ses gestes, par les intonations de sa voix. Paulin Broquet ajouta. Et écoutez ceci, mes amis. Et j'ai remarqué que cet homme, en qui j'ai cru reconnaître le comte de la Guérinière, cet homme qui venait voler, qui essayait de me tuer à coups de revolver, cet homme était gaucher. Gabriel et la mort s'écrièrent. Gaucher, gaucher, oui. Cet homme braqua sur moi son revolver de la main gauche. Il était gaucher, comme l'homme qui assassina le banquier Montreuil. Cette déclaration produisit chez les lieutenants de Paulin Broquet un effet prodigieux. Elle ouvrait des horizons nouveaux et permettait d'établir dès maintenant des certitudes qui viendraient confirmer les suppositions premières énoncées par le détective au cours de l'enquête sur la dramatique tentative d'assassinat du banquier. « Si cet homme, reprit Paulin Broquet, si cet homme avec qui j'ai joué aux cartes, qui furieux a été tenu pendant une heure sous la menace de mon revolver, que j'ai gardé vaincu, impuissant et plein de rage sous mes yeux pour le bien étudier, si cet homme, dis-je, est vraiment le comte de la Guérinière, aucun doute n'est possible, c'est lui, c'est le comte de la Guérinière qui, de sa main gauche, a frappé le banquier Montreuil. » Le détective ajouta en riant, « Et comme dans tout drame, le comique côtoie le tragique, il faut que je vous dise que dans la chambre à coucher de la garçonnière, qui faisait suite au petit salon où nous nous trouvions, se tenait dans l'ombre, se préparant sans doute à prêter main forte à leur ami, le décoratif baron Dupont et le grand détective américain Thorntwig. Je les ai mis sous clé, et la clé est là. » Les détectives éclatèrent de rire en songeant à la figure que devait faire le baron Dupont, solennel et pontifiant, se trouvant enfermé ridiculement dans une chambre à coucher. « Au demeurant, dit Paulin Broquet, je ne crois pas que ce gentleman, comte de la Guérinière ou autre, ait pu me reconnaître, moi, en James Twill. Sans cela, il ne se serait pas trahi en me donnant le mot de reconnaissance de Zigomar. D'ailleurs, les Zigomars doivent être certains que mon exécution a, comme les autres, parfaitement réussi. Ils ont la ferme conviction qu'à cette heure, Paulin Broquet, en sinistre macabée, se balade sous le sol de Paris, dans quelque égout infect, en attendant de flotter un jour dans les flots tristes et gris de la Seine. » Mais passant à un autre ordre d'idées, Paulin Broquet dit à ses lieutenants qu'il croyait que le comte de la Guérinière, ainsi vaincu déjà à Ville-d'Avray par ses ennemis, et il ne pouvait douter que ce ne fussent les agents du célèbre détective qui étaient intervenus, que le comte de la Guérinière n'était pas homme à s'en tenir à cet échec nouveau. Quant à l'affaire de la rivière, du collier de la baronne, dit Paulin Broquet, ne m'ayant pas reconnu, il peut croire qu'il a eu affaire, comme cela arrive, à un bandit plus malin que lui. Et il la passera au profit et perte. En riant, il s'écria. Au fait, je ne serais tout de même pas fâché qu'il sût qu'il avait affaire à Paulin Broquet, et qu'il se rendit compte que Paulin Broquet lui a joué un tour de sa façon. Zigomar m'a bien roulé dans son antre avec le fameux Z au crayon bleu, qu'il fallait écrire en partant du bas. Moi, j'ai comme un sot, commencé tout bêtement par le commencement, par le haut. Cela m'a valu l'eau de l'égout. Je ne serais pas fâché qu'il sût que je me suis rattrapé avec la rivière. Puis, sérieusement, il reprit. Mais il ne voudra certainement pas se reconnaître deux fois battu, et il cherchera à prendre sa revanche de l'affaire de Ville-d'Avray. Quel intérêt, cependant, on les aide à poursuivre cette jeune fille? Car l'amour du comte de la Guérinière pour Riri n'est à mon sens qu'un prétexte. Il doit y avoir autre chose. Je ne vois pas encore. Mais je parie tout ce qu'on voudra, que Riri va se trouver de nouveau en butte à ses attaques, que les aides vont recommencer. Comment s'y prendront-ils maintenant, je ne sais. Mais il faudra fortement surveiller cette adorable jeune fille.